إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Nous allons entamer aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, le récit de Zakaria, qui a été stipulé et cité dans le Coran à de nombreuses reprises. Zakaria, alayhi salatu wa salam, était un des prêtres chez les enfants d'Israël. Lorsque nous disons prêtres, c'est-à-dire des gens au service du culte. Ils avaient des fonctions sacerdotales. Il était un des grands prêtres chez les enfants d'Israël, avant de devenir prophète, bien sûr. Il est Zakaria, fils de Abiya, fils de Bakir, fils de Benyamin, et il reçut la prophétie à un âge avancé. D'ailleurs, il est le deuxième prophète des enfants d'Israël à s'appeler ainsi, le premier étant Zakaria ibn Barkhiya. Le Zakaria qui nous intéresse ici, et celui qui a été cité dans le Coran, était marié à une femme de la descendance de Haroun, prénommée Elisabeth, Elisabeth, qui était la tante maternelle de Mariam, ou encore sa sœur selon un avis des savants. Concernant ce grand prophète, Zakaria, alayhi salat wa salam, قال الله تبارك وتعالى, كاف ها يا عين صاد, ذكر رحمة ربك عبده زكريا, إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Ce sont les versets 1 à 15 de la sourate numéro 19, la sourate Maryam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, Kaf ha ya ayn sad. Voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakaria. Lorsqu'il invoqua secrètement son Seigneur et dit, ô Seigneur, mes os se sont affaiblis et ma tête s'est couverte de cheveux blancs. Cependant, Seigneur, je n'ai jamais été déçu en t'invoquant. Je redoute le comportement de mes héritiers après moi et ma femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et de la famille de Yaakov et agrée-le, ô Seigneur. Ô Zakaria, nous t'annonçons un fils dont le nom sera Yahya. Personne avant lui n'a porté ce nom. Zakaria dit, ô Seigneur, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis très âgé? Allah dit, certes ton Seigneur a dit, cela m'est facile et je t'ai créé avant cela alors que tu n'étais rien. Zakaria dit, ô Seigneur, donne-moi un signe. Allah lui répondit, ton signe sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits bien que tu sois en bonne santé. Il sortit alors du sanctuaire vers son peuple. Et il leur fit signe de prier matin et soir. Ô Yahya, tiens au livre avec force. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que de la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et bon envers ses parents, et n'était ni hautain, ni désobéissant, ni tyrannique. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Dans le même contexte, Allah dit tabaraka wa ta'ala dans surat Ali Imran, les versets 37 à 41. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Son Seigneur l'agréa alors d'un bon agrément en parlant de Mariam, car ces versets font référence à la naissance de Mariam. Son Seigneur l'agréa alors d'un bon agrément, la fit grandir de la plus belle des manières et l'en confia la garde à Zacharia. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans son lieu d'adoration, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Oh Mariam, d'où te vient cela ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il procure certes la subsistance à qui il veut sans compter. » C'est alors que Zacharia pria son Seigneur et dit « Oh Seigneur, donne-moi venant de toi une descendance pieuse, car tu es celui qui entend l'invocation. » Les anges l'appelèrent alors qu'il priait debout dans le lieu d'adoration, c'est-à-dire un lieu qu'avait réservé Zacharia pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Mihrab. Voilà qu'Allah t'annonce la bonne nouvelle de la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète parmi les prophètes vertueux. Il dit, « Oh Seigneur, comment aurais-je un garçon alors que je suis vieux et que ma femme est stérile ?» Allah dit, « C'est ainsi et Allah fait ce qu'il veut. » Zacharia lui répondit, « Seigneur, donne-moi un signe. » Allah lui dit, « Ton signe sera que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le au crépuscule et à l'aurore. » Ce sont les versets 37 à 41 de la sourate numéro 3. Dans le même contexte, Allah dit tabaraka wa ta'ala, وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة 21 verset 89 et 90. Et Zacharia, lorsqu'il implora son Seigneur, « Seigneur, ne me laisse pas seul sans descendance, tu es le meilleur des successeurs. Nous l'avons exaucé, nous lui avons donné Yahya et avons redonné la fécondité à son épouse. Ils s'empressaient de faire le bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Ils étaient humbles devant nous. » De même, Allah tabaraka wa ta'ala a cité Zacharia dans la sourate numéro 6, les versets 85. « Wa Zacharia wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin. » De même que Zacharia, Yahya, Isa et Ilyas furent tous des êtres pieux. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, l'essentiel est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de raconter aux gens l'histoire de Zacharia, à qui Allah a fait don d'un enfant à un âge très avancé, bien que son épouse eût été stérile depuis sa jeunesse jusqu'à un âge avancé. Ceci afin que personne ne désespère de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, et qu'il ne désespère non plus de ses bienfaits. Allah dit tabaraka wa ta'ala, voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia, lorsqu'il invoqua secrètement son Seigneur. L'imam Qatada a dit à propos de ces versets, Qu'Allah connaît les cœurs purs et entend les voix discrètes. Ya'lamu al-qulub an-naqiyya wa yasma'u al-aswat al-khafiyya. Certains pieux prédécesseurs ont dit que Zacharia s'est levé la nuit et s'est adressé secrètement à son Seigneur sans que ceux qui étaient autour de lui ne puissent l'entendre. Il dit « Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur » à trois reprises. Et Allah lui répondit « Je t'ai entendu, je t'ai entendu, je t'ai entendu. » Il dit « Mes os se sont affaiblis en raison de son âge avancé et ma tête s'est couverte de cheveux blancs. » On remarquera ici que Zacharie, alayhi salat wa salam, signala la faiblesse de ses os pour montrer la faiblesse de son corps, car si les os, qui sont la structure par laquelle tient le corps, et une des parties les plus solides du corps humain sont faibles, cela signifie que son corps, à plus forte raison, l'est tout autant. De même, il signala son âge avancé en disant que les cheveux blancs devenaient de plus en plus conséquents et présents sur sa tête. Par cette supplication devant Allah tabaraka wa ta'ala, il mentionne que sa faiblesse, que la faiblesse l'a frappé tant intérieurement que extérieurement. Ensuite, il dit, cependant, Seigneur, je n'ai jamais été déçu en t'invoquant. C'est-à-dire que tu m'as habitué à toujours répondre à mes invocations. Et ce qui l'a incité à faire cette invocation à Allah, est qu'il avait pris sous sa tutelle Maryam bint Imran, alayha salam, ibn Mathan. Et qu'à chaque fois qu'il lui rendait visite au sanctuaire, il trouvait auprès d'elle des fruits hors saison. Or, c'est là un don accordé aux alliés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il sut alors que celui qui est capable de donner des fruits hors saison est tout aussi capable de lui donner un enfant malgré son âge avancé et malgré la stérilité de son épouse. C'est alors que Zacharia pria son Seigneur et dit, Ô Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente progéniture, car tu es celui qui entend l'invocation. Qui entend l'invocation. Innaka sami'ud du'a. Entend l'invocation. Le verbe ici entendre signifie aussi qui exauce l'invocation. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala entend les invocations de ses serviteurs, mais plus de cela, il exauce les invocations de ses serviteurs. Il dit, je crains le comportement de mes héritiers après moi et ma femme est stérile. On dit que le terme héritier ici désigne ici la tribu ou les proches du côté du père, al-usba, ou al-isaba, et qu'il craignait que leur comportement au sein des enfants d'Israël après sa disparition aille à l'encontre des lois d'Allah. Il demanda donc à Allah de lui donner un enfant issu de lui qui serait bienfaisant, pieux et agréé. C'est pourquoi il dit, accorde-moi de ta part, par ta puissance et ta force, un descendant qui hérite de moi. Qui hérite de moi, c'est-à-dire qui hérite de la prophétie et le commandement au sein des enfants d'Israël. Et de la famille de Yaqub. Et agrée-le, ô Seigneur. Comme l'ont été ses pères et ancêtres prophètes parmi les descendants de Yaqub, alayhi salam. Honore-le comme eux par la prophétie et la révélation. L'héritage évoqué ici n'est pas un héritage matériel comme l'ont soutenu quelques chiites et qui ont été approuvés par Ibn Jarir, qui l'a rapporté de Abu Salih, d'après plusieurs pieux prédécesseurs. Et lorsque Zacharia demanda à son Seigneur un héritier descendant de lui qui puisse hériter de lui, cela ne se rapporte pas à un héritage matériel dans les biens. Et cela pour plusieurs raisons. Comme l'a souligné Ibn Kathir. Premièrement, il dit ce que nous avons rappelé avec sa parole, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ. Et Suleyman hérita de Daoud. C'est-à-dire la prophétie et la royauté, comme nous l'avions déjà expliqué dans le cours précédent. Et d'après le hadith unanimement reconnu authentique par les savants, عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة. Nul n'hérite de nous, ce que nous laissons est une aumône. Rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 4036. Et c'est là un texte clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre qu'il ne laissa aucun héritage. Et c'est pourquoi Abu Bakr, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, lorsqu'il prit ses fonctions de calife, refusa d'accorder ce qui appartenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam à tous ses héritiers. Et sans ce texte, sans cette parole, ils auraient hérité de cela. Et ils sont sa famille, Fatima, ses neuf épouses et son oncle, Al-Abbas. Voilà les ayants droit à l'héritage si l'héritage des prophètes était permis. Voilà les ayants droit à l'héritage si l'héritage des prophètes était permis. Ceux qui avaient pu hériter de lui, si cela était permis, était sa fille Fatima qui était encore vivante et qui est morte 6 mois après le prophète, alayhi wa salam, ses 9 épouses, ainsi que son oncle Al-Abbas. Abu Bakr leur opposa ce hadith pour justifier son refus. Et parmi ceux qui l'ont conforté dans la transmission de cette parole du prophète, il y a Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib et bien d'autres compagnons. Deuxièmement, la vie d'ici-bas est si vile aux yeux des prophètes qu'ils n'en gardaient rien, ils n'en thésaurisaient rien, n'y prêtaient aucune attention et s'y intéressaient si peu qu'ils ne disaient pas à leurs enfants de la posséder après eux. Et ceux qui approchaient leur degré de délaissement de Zuhd, de ce bas monde parmi leurs enfants, n'avaient aussi que faire d'en hériter. Troisièmement, Zakaria était un menuisier qui travaillait de ses mains et vivait de son labeur, tout comme Daoud alayhi salat wa salam. Et le plus courant, surtout chez les prophètes, est de ne pas se surmener au travail et de préférer les biens de ce monde pour soi et ses descendants à l'au-delà. Cela apparaîtra clairement à toute personne qui médite et cherche à comprendre si Allah le veut. L'imam Ahmed ainsi que Muslim et d'autres rapportent d'après Abi Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kana Zakariya Najjara » « Zakaria était un menuisier » rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 6240. Voilà une brève introduction de ce prophète Zakaria. Et nous verrons, inshallah tabarak wa ta'ala, la bonne annonce en fait les anges à Zakaria après qu'il ait invoqué son Seigneur. Ils lui feront l'annonce de cet enfant qui deviendra lui aussi un prophète et qui se prénommera Yahya. Nous parlerons de ça, inshallah tabarak wa ta'ala, dans le prochain cours. Nas'alullah tabarak wa ta'ala, an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardha, wa nas'aluhu tabarak wa ta'ala, huda wa tuqa, wal afafa wal ghina. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.